monde à se mêler. Cette ambiance me donne des pensées que je peux assumer. Ce soir, laisse-moi t'initier. Laisse-toi guider. J'ai envie d'emprunter les chemins sans jurer. Je veux mourir.